plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur ? Qui ose tenir ces propos ? Je crois connaître cette voix. Non, monsieur, c'est pas un spectre. Je le reconnais au marché. Spectre, fantôme ou diable ? Je veux savoir ce que c'est. Ah, monsieur, voyez-vous ce changement de figure ? Non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je vous ai prouvé avec mon épée, si c'est un sort ou un esprit. Non, monsieur, rendez-vous à temps de preuve et jetez-vous vite dans leur panthère. Non, il ne sera pas dit quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, chez moi !